On vous prénomme Monsieur X. Toutes les femmes s'agenouillent à vos pieds. Mais vos parents ne vous connaissent plus. Pour eux c'est dur à avaler. Vous comprenez leur réticence. Allez en plage 40. Vous ne voulez plus entendre parler d'eux. Allez à la plage 42.